Chapitre 31e. Les deux amants furent enterrés sous la même pierre dans le parc du château. On y écrivit leur nom. J'ai vu ce simple et touchant monument qui enferme un des plus grands secrets du cœur humain. Une branche d'aubépine pendait au-dessus, toute chargée de rosée, et à côté, de petits oiseaux chantaient les symphonies de l'inconnu. Les médecins n'ont pu donner aucune explication de cette maladie étrange qu'ils n'avaient pas réussi à guérir. Toute la vie de Pulcheri est restée, comme celle de Georges, un mystère pour la science. Il faut donc en chercher l'interprétation plus haut. La poésie, c'est le dernier mot de toute chose. C'est à elle qu'il convient de lever autour de l'âme ces voiles épais que la main de Mesmer et d'Hoffmann a déjà essayé de découvrir. Mademoiselle de B., après avoir vécu quelque temps son fiancé, après avoir uni son cœur au cœur de Fritz par des liens indivisibles, comme Antonia son âme aux cordes du violon de Crespal, s'éteignit avec le jeune docteur défaillant. Elle mourut dans celui qu'elle avait aimé. Ainsi s'achève Le Château enchanté par Alphonse Esquiros.